symphonie que le temps aurait effacée. Loin de toi, je m'égare, j'oublie tout, je perds la mémoire. Mes yeux se ferment aussi, rideau, tout est fini, car mes rêves depuis sombrent dans l'oubli. Telle une symphonie que la mer aurait emportée au fur et à mesure, cicatrice, vilaine déchirure. Une vie décomposée, mon cœur vide et serré, trop fatigué sans nuit, cogne mais sans envie. Un arbre sans écorce, je perds toute ma force, ma vie en désaccord, un mauvais sort. J'ai oublié mes rêves comme vidé de ma sève. Le temps s'est arrêté, déraciné. Symphonie par la tempête éparpillée, une vie sans portée, blessée, cassée, lacérée. Oui, j'ai perdu la clé, je me suis ensablée, l'existence mise à nu. Tu ne m'aimes plus. Un arbre sans écorce, je perds toute ma force, ma vie en désaccord, un mauvais sort. Le temps s'est arrêté, déraciné. Le vent souffle fort, balaie tous les remords, rejoue les mêmes accords, l'amour vivra encore.